Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La guerre de 30 ans a été ressentie par ses contemporains comme une guerre sans fin. Ainsi, au bout de 10 ans, on a pensé que c'était une guerre de 10 ans. Au bout de 15 ans, on parlait d'une guerre de 15 ans. Puis 30 ans ont passé. La plupart des gens ont fini par dire « ça suffit ». Cette semaine, les guerres européennes. Dans certains récits, on peut lire que même l'amour entre les gens est en train de s'éteindre, que les couples se séparent et abandonnent leurs enfants. En bref, ces descriptions montrent les effets dévastateurs que cette guerre a sur la population. Catholicisme, protestantisme, nazisme. Une sorte de cadence s'est installée. En hiver, on négociait. En été, on combattait. En février, le rythme des négociations ralentissait parce qu'on pensait que l'issue d'une bataille déterminerait peut-être la suite des événements. Le goût du sang. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Suite de l'entretien avec Claire Gantet, historienne, professeure d'histoire moderne à l'Université de Fribourg. Claire Gantet, cette guerre s'appelle donc guerre de 30 ans. On ne peut pas revenir évidemment sur l'ensemble des épisodes qui sont absolument multiples. On aura l'occasion en allant voir la revue Histoire pour l'année 2018, vous aviez fait un chapitre que vous m'avez communiqué, je vous en remercie, assez complet sur la guerre de 30 ans. Venons-en peut-être au chapitre de la Suisse, puisqu'évidemment, la Suisse est une fois encore au carrefour de cette histoire-là. De quelle manière la Suisse va être touchée, elle aussi, par la guerre de 30 ans ? Alors la Suisse, bien sûr, n'est pas du tout un État unifié à l'époque. Il existe 13 cantons, des bailliages communs, de la combourgeoisie, etc. Donc ça n'est pas du tout un État unifié. La Suisse est touchée d'abord comme réservoir de mercenaires. Les mercenaires suisses étaient extrêmement prisés parce qu'ils étaient très durs au combat, très résistants et puis loyaux. Hein. Ça n'était pas des mercenaires qui se débandaient sans cesse. Géographiquement et chronologiquement, la Suisse est touchée avant tout dans sa partie sud-est, dans les ligues grisonnes, qu'on appelait pas encore tout à fait ligues grisonnes à l'époque, les trois ligues qui formaient les grisons, les grises, les 10 juridictions et la maison Dieu, qui étaient donc trois ligues qui se géraient avec une diète commune, une diète donc qui formait des décisions impératives qui devaient être obéies. Et ces trois ligues géraient en commun une vallée absolument stratégique, à savoir la vallée de la Valteline. Stratégique parce que c'était par la Valteline qu'on avait accès au Milanais. Or, l'Espagne possédait le Milanais et la Franche-Comté, et puis le sud des Pays-Bas. Hein. Et puis pour relier ces différentes possessions, elle avait absolument besoin de la Valteline. Et la Valteline va devenir un enjeu considérable entre Espagnols, impériaux et Français pendant la guerre de 30 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment une guerre qui est une guerre européenne se joue aussi au niveau local, hein, et notamment dans la Valteline. Alors, la Valteline elle-même, comme j'ai dit, ce sont des ligues où les familles nobles ont un pouvoir très fort. Hein. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait particulier par rapport au reste de la Suisse. Et ces familles nobles tendent soit pour une alliance avec les Habsbourg, soit pour une alliance avec Venise et les protestants. Donc il y a des unions des familles nobles. Et la guerre commence par un massacre dans la Valteline à l'été 1620, hein, 19 au 23 juillet 1620. Massacre contre les protestants, la Valteline étant très fortement catholique. On tue à peu près 600 protestants hein, dans cette vallée de la Valteline en ces quelques jours, cette petite semaine. Ces catholiques étant soutenus par des Habsbourg et par la famille noble, les Planta, hein, qui soutiennent les Habsbourg. Alors, ces familles hein, donc, ont des alliances, vous voyez, qui sont en partie religieuse, en partie clientélaire, en partie dynastique. Donc c'est un conflit en fait très difficilement contrôlable pour les puissances extérieures. Et par ailleurs, pour maîtriser justement l'accès aux Milanais et donc la possibilité pour l'Espagne de convoyer ses troupes vers le Saint-Empire. Il faut connaître bien sûr la géographie locale. Et là, toutes les grandes puissances y échouent, hein, aussi bien le Saint-Empire que la France et l'Espagne échouent complètement. Seuls les locaux ont le savoir, l'information nécessaire pour permettre le contrôle d'école. Et la Valteline, ça, c'est un conflit donc, qui s'éternise dans le temps. Ça commence donc en 1620 et ça va jusqu'en 1638. Et dans les années 1640, les Bourbons et les Habsbourg s'entendent à neutraliser la Suisse car les cols ne sont pas contrôlables. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir que ici, le local l'emporte sur les superpuissances, entre guillemets. Comment se déroulait un congrès pour la paix au XVIIe siècle? Anja Hartmann, historienne. À Münster et à Osnabrück, les ambassadeurs négociaient les uns avec les autres. Et ils devaient communiquer leurs intentions à leurs souverains respectifs à Paris, à Vienne ou en Espagne. Une lettre mettait 10 jours pour aller de Münster à Paris, auquel il fallait ajouter 10 jours pour la réponse. Pendant ce temps, personne ne pouvait anticiper cette réponse. Sans compter qu'il fallait 15 jours à une lettre pour atteindre Vienne et jusqu'à 4 semaines pour arriver à Madrid. Une sorte de cadence s'est installée. En hiver, on négociait. En été, on combattait. En février, le rythme des négociations ralentissait parce qu'on pensait que l'issue d'une bataille déterminerait peut-être la suite des événements. Claire Gantet, on parle de guerre de 30 ans, néanmoins il ne faut pas imaginer que ce sont une guerre de 30 années continue. Il y a des arrêts, des ruptures, des reprises, l'hiver et notamment cette période de petite ère glaciaire en est notamment la cause, vous nous l'aviez dit précédemment. Avançons dans le temps pour arriver au processus qui va mettre enfin un terme à cette guerre, et quand on dit au processus, il faut le mettre au pluriel, parce que le processus de paix va être en soi un processus éclaté. Est-ce que vous pourriez un peu nous amener à comprendre cette autre complexité de la guerre de 30 ans, comment toutes ces nations, tous ces peuples, toutes ces armées, tous ces mercenaires engagés vont-ils parvenir à faire la paix? Et on peut l'imaginer, ils ne vont pas faire la paix en même temps, ça va aussi s'étaler dans le temps. Alors, la guerre est elle-même ponctuée de tentatives de paix. Donc on a sans cesse réfléchi, pendant la guerre même, à une paix future. Alors la Saxe, comme je l'avais dit, s'engage de 1631 à 1635. Elle se retire en 1635 avec un accord de paix partiel avec l'empereur. Et dès 1640, on réfléchit de façon plus formelle à un accord de paix un peu plus général. Et en 1641, on définit 2 villes pour siéger sur la paix, pour entreprendre des négociations. Ces 2 villes sont en Westphalie, c'est pas très loin de la Hollande, donc c'est plat, donc c'est facile d'accès, l'information circule bien, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas la Valteline, etc. Donc 2 villes, Münster pour les catholiques et Osnabrück pour les protestants. Les catholiques et protestants ne peuvent pas encore siéger autour d'une même table de négociation. À l'origine, on dit que la papauté pourra jouer un rôle de médiateur. Ça, c'est un héritage du Moyen-Âge. Le pape avait une sorte d'aura d'universalité. Et on pense que le pape pourrait être un médiateur. Or, en fait, la politique de la papauté va être très complexe. Et il va d'abord, en un sens médiateur, mais face aux puissances catholiques. Il a très peur que l'Espagne soit trop puissante en Italie, par exemple. Et l'envoyé de la papauté va essayer de porter les puissances catholiques à l'intransigeance. Mais ça ne va pas du tout au-delà, donc la papauté n'a pas eu du tout un rôle majeur dans les traités de paix. Alors ces traités de paix ou les négociations se mettent véritablement en place en 1643 et elles durent 5 ans. Donc c'est très très difficile. Ces 5 ans qui sont ponctués de batailles, Hein, donc pendant qu'on négocie, on mène aussi la guerre en espérant avoir une victoire qui permettra d'avoir une paix avantageuse. Et on finit par aboutir à deux accords, hein, le même jour, le 24 octobre 1648, donc un accord à Münster et un accord à Osnabrück, ce qu'on définit donc sous le nom de paix de Westphalie. Hein, donc c'est le 24 octobre 1648 qui a une dimension internationale, mais qui finalement change très très peu de choses à la carte du Saint-Empire. Hein, là, on est vraiment dans la stabilité. Qui a une dimension territoriale, par exemple le duc de Bavière qui a beaucoup engagé de soldats au service de l'empereur va être nommé prince électeur, donc il y aura 8 princes électeurs désormais au lieu de 7, hein, donc ça c'est un aspect territorial. Et puis il y a un aspect paix de religion où pour fonder une paix puissante, une paix qui dure, une paix durable, on se dit qu'il faut désormais mettre de côté tous les aspects dogmatiques et ne s'entendre que sur la dimension civile des questions religieuses, que sur les questions de possession de biens ecclésiastiques et sur les règles de la décision en matière religieuse. Hein, et alors les clauses très importantes, c'est gèle en fait la géographie religieuse. On définit une année normative. Donc, ce qui était luthérien avant le 1er janvier 1624 restera luthérien. Ce qui était catholique avant le 1er janvier 1624 restera catholique dans les territoires où il y avait mixité entre catholique et luthérien. Et pour les calvinistes, on choisit la date du 1er janvier 1618. Tout simplement parce que les calvinistes ont énormément perdu entre 1618 et 1624. Il n'y avait quasiment plus rien en 1624. Et pour leur permettre d'entrer une existence et des possessions, donc on choisit cette date de 1618. Par ailleurs, dorénavant, il y a 3 confessions reconnues légalement, juridiquement, donc de façon égale, qui sont le catholicisme, le luthéranisme et le calvinisme. Le calvinisme était jusqu'à présent hors la loi, n'était pas reconnu. Désormais, il est reconnu. Et puis, on introduit la parité qui existait informellement déjà dans la diète auparavant. Donc, pour les matières religieuses, on met de côté la règle de la majorité, hein, pour se réunir en corps constitué, d'un côté le corps des catholiques, de l'autre le corps des luthériens, et puis après ou le corps des protestants, hein, luthériens et calvinistes désormais ensemble, et on s'entend ensemble. Et dans certaines villes libres, notamment Augsbourg, cette parité est introduite. Donc tout ce qui dépend de la ville, donc par exemple le conseil de ville, la censure, la garde de la ville, etc., va être partagé à égalité entre catholiques et luthériens, donc 50% catholiques, 50% luthériens. Et puis dans le conseil de ville, quand il y va donc de questions religieuses, hein, on discute chacun chez soi, les luthériens de chez leur et les catholiques chez leur, de leur côté, et ensuite donc on essaye de s'arranger pour obtenir un compromis. Et cela indépendamment du poids démographique des différents cultes, du poids démographique des catholiques et de celui des luthériens, et de son évolution. Hein. À cette époque, Augsbourg est très fortement luthérienne, et au cours du temps va devenir de plus en plus catholique. Or, cette parité, hein, elle existe jusqu'à la fin du Saint-Empire, en 1806. Elle va être respectée vraiment dans la durée. De même dans la diète, hein, ça va être respecté jusqu'en 1806. Anja Hartmann, historienne. La guerre de 30 ans a été ressentie par ses contemporains comme une guerre sans fin. Ainsi, au bout de 10 ans, on a pensé que c'était une guerre de 10 ans. Au bout de 15 ans, on parlait d'une guerre de 15 ans. Puis 30 ans ont passé. Cet épuisement collectif qui s'accompagnait de très lourdes pertes en vies humaines, de terribles dévastations, d'importantes dépenses pour les armées, la plupart des gens ont fini par dire « ça suffit ». Thank you. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Suite de l'entretien avec Claire Gantet. Claire Gantet, est-ce qu'on peut parler, pour cette issue de guerre, d'une forme de jeu à somme nulle, à savoir qu'il n'y aurait, à proprement parler, ni véritable vainqueur, ni véritable vaincu? Il est difficile de parler de vainqueur et de vaincu. Alors, au niveau européen, la guerre entre la France et l'Espagne se poursuit jusqu'en 1659. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment dire que la guerre a été remportée par la France. Alors, la France obtient quand même, dans les traités de Westphalie, certaines possessions en Alsace. Pas toute l'Alsace, hein, mais certaines possessions, ce qui était Habsbourg, lui revient. Lui est cédé. Mais voilà, est-ce que c'est un véritable gain? Je pense que c'est un peu peut-être exagéré de parler d'une puissance vainqueur à ce moment-là. La France est par ailleurs extrêmement faible. Ces années 1648-1653 sont marquées par un énorme affrontement qui met en péril le pouvoir lui-même, ce qu'on appelle la fronde, hein, donc position politique de très grande fragilité, de soulèvement contre le gouvernement. L'Espagne non plus n'est pas vraiment vainqueur. Hein. L'Espagne perd le nord des Pays-Bas, qui devient indépendant sous le nom des Provinces-Unies. Au niveau de l'Empire, s'il y a peut-être un vainqueur, ce serait le duc de Bavière qui devient prince électeur. Mais effectivement, tout cela est mesuré. On a peut-être beaucoup plus la volonté de retrouver un ordre, de restaurer. Hein. C'est une paix plus conservatrice qu'instauratrice, cette paix de Westphalie. On veut essayer de refonder un ordre durable, sachant qu'on a très peur que la guerre ne soit pas finie. Hein. L'expression « guerre de 30 ans » existe dès ce moment-là, mais ces traités de paix ne règlent pas la question de la démobilisation des troupes qui restent sur place, qui ne sont plus soldées, quand elles l'ont été, du moins, ce qui est très rarement le cas, et qui pillent plus que jamais. Et cette question de la démobilisation des troupes n'est réglée qu'en juin 1650 à Nuremberg, où là, on a, à partir de ce moment-là, une paix tangible. Mais pour les populations locales, ces années 1648-1650 sont abominables. C'est quasiment la famine. Les soldats pillent plus que jamais. Enfin, c'est très, très... C'est des années vraiment très noires. Et l'expression « guerre de 32 ans » existe même jusqu'à ce traité de Nuremberg qui règle donc la démobilisation des troupes. Anja Hartmann. On comprend de mieux en mieux ceux qui disaient que le monde court à sa perte. Le désordre règne partout et tout se désagrège. Dans certains récits, on peut lire que même l'amour entre les gens est en train de s'éteindre, que les couples se séparent et abandonnent leurs enfants. En bref, ces descriptions montrent les effets dévastateurs que cette guerre a sur la population. Claire Gantet, côté Allemagne, cette guerre de 30 ans va porter toute une série d'appellations tragédie européenne, guerre des guerres, cavalier de l'apocalypse, catastrophe européenne et traumatisme allemand. Il est vrai que s'il y a bien un pays, une terre qui vit, a vécu et continuera de vivre longtemps cet événement, ces événements, c'est bien l'Allemagne en forme de traumatisme. Il faut parler effectivement dans les dernières années de cette guerre de 30 ans d'une accentuation de la violence. Des phénomènes comme le cannibalisme sont a priori repérés. Que représente-t-il de réalité? Est-ce toute une part de contes, de légendes, de récits qu'on s'est racontés, ou bien a-t-on affaire à de pareils phénomènes? Et qu'est-ce que l'on peut dire véritablement du traumatisme, pas seulement d'ailleurs à l'échelle allemande, mais peut-être plus largement à l'échelle européenne, qu'a pu représenter cette guerre de 30 ans? On parle effectivement dans certaines sources de cas de cannibalisme. Alors ça n'est pas du tout généralisé, c'est dans certaines localités, à Brisac par exemple, sur le Rhin, à Augsbourg ou dans d'autres régions, en Lorraine par exemple. Alors très longtemps, les historiens se sont dit, oui c'est l'époque baroque, hein, donc il y a une espèce d'enflure rhétorique, on cherche à qualifier la guerre qui déshumanise l'humain, hein, qui réduit l'humain à la barbarie, en recourant à ce cannibalisme qui n'est qu'une figure de rhétorique. Des recherches plus récentes ont montré que ces cas ont pu être avérés, enfin, qu'il y a pu avoir cannibalisme, enfin disons ingestion de chair humaine, bien sûr de chair humaine déjà morte, hein, on n'a pas tué des gens pour les dévorer. C'est bien sûr des cas tout à fait locaux, mais on n'exclut pas du tout que la misère, la famine ait été telle, il y a par ailleurs une vague de peste dans les années 1633-1634, que on ait été astreint à recourir à du cannibalisme. Alors, traumatisme, oui, les contemporains ont l'impression que la jeunesse a grandi dans la guerre, n'a plus aucun sens des valeurs. C'est une société aussi hiérarchique, hein, qui existe. Il existe des valeurs qui font un ordre et elles doivent être respectées. Et tout cela est complètement mis à mal par cette guerre. Cette jeunesse qui n'a fait que grandir dans la guerre en est dépourvue. Hein, et les premières ordonnances de la paix visent à mettre des écoles, à restaurer, à inculquer des valeurs à la jeunesse. Et on veut essayer d'empêcher tout renouveau d'une guerre motivée notamment par des enjeux religieux et d'une guerre vécue aussi comme une guerre civile. Hein. Et ces deux aspects, guerre de religion, guerre civile, ça reste très très fortement. Enfin, il y a des textes par exemple de Leibniz des années 1690 où il parle de ce traumatisme, hein, de la guerre de 30 ans. Donc c'est un véritable traumatisme, ça n'est pas du tout quelque chose construit par des textes qui recourent à des métaphores, etc. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, en Allemagne, on a parlé de la guerre de 30 ans comme de la Grande Guerre. Donc c'était véritablement le repère le plus négatif de l'histoire que l'on avait, hein, jusqu'en 1914. Anja Hartmann, historienne. Ce qu'on appelle la paix de Münster et d'Osnabrück, ou la paix de Westphalie, ce sont en fait plusieurs traités de paix. Il y a eu trois accords de paix particulièrement importants. Le premier était le traité de paix entre l'Espagne et les Pays-Bas. La paix a été conclue en mai 1648, mettant fin à 80 ans de guerre entre l'Espagne et les Pays-Bas. Ce traité scella l'indépendance des sept provinces septentrionales, qui devinrent alors la République des Pays-Bas, un État souverain autonome en Europe. Le second traité de paix fut signé entre le Saint-Empire et la Suède. L'élément le plus important pour la Suède fut la somme versée par l'Empire pour que les troupes suédoises abdiquent. Dans le traité de paix de 1648, la Suède a négocié 5 millions de Riksdal pour que les troupes se retirent. Quant au troisième accord de paix, qui n'a été signé qu'en octobre 1648, il scellait la paix entre le Saint-Empire, la France et les villes impériales. Si l'on doit faire, comme dernier chapitre, Claire Gantet, un tour d'horizon des progrès ou de l'avancée historiographique, qu'est-ce qui, au cours des toutes dernières années, permet de dire aujourd'hui, on en est là, on ne regarde plus les choses exactement de la même manière? Je pense notamment à cette interprétation des traités de Westphalie où... vous interrogez, et sans doute c'est un vous collectif avec plusieurs de vos collègues, cette notion de naissance d'un ordre international. Comment font-ils considérer plutôt, comment ces traités sont-ils aujourd'hui considérés, et d'une manière plus large, où en est l'historiographie aujourd'hui, Claire Gantet? Sur la paix de Westphalie, les historiens sont en fait très modestes, je vais peut-être vous décevoir, mais cette tradition de l'ordre de Westphalie qui naît donc en 1648, où désormais on a un ordre au niveau européen qui règle des états, ou qui règle les relations entre des états souverains, des états-nations, tout cela nous paraît en fait beaucoup trop moderne. Cela naît anachronique. Anachronique, oui, cela naît disons 100 ans plus tard. La paix de Westphalie s'est avérée durable. On avait très peur que ça ne soit pas le cas à l'époque, parce qu'il y a eu aussi quantité de commissions locales. Il y a eu tout un travail juridique. L'une des grandes clauses de la paix de Westphalie, ça vient en deuxième. La deuxième grande clause, c'est une clause d'amnistie très très forte. Quelque chose qui est très important. On veut imposer le silence sur les crimes du passé récent. Et cela a mené donc à tout un travail législatif, juridique très fort. Mais au niveau international, disons, la naissance d'un ordre international reposant sur des nations souveraines, oui, c'est les années 1740, voire 1760, peut-être la guerre de 7 ans. Donc beaucoup plus tard que la paix de Westphalie. Une question subsidiaire, Claire Gantet. Souvent, les manuels d'histoire sont assez révélateurs de la place que tient tel ou tel événement historique dans l'histoire du pays ou dans le moment de l'histoire du pays où est édité le dit manuel scolaire. Est-ce que vous avez un peu idée de ce qui se dit dans la littérature scolaire au travers de l'Europe, manuel scolaire français, espagnol allemand, est-ce que la lecture de l'épisode de la guerre de 30 ans fait aujourd'hui une forme d'unanimité, quelle que soit la latitude sous laquelle on se trouve, ou voit-on là encore, dans les manuels d'histoire, de réelles divergences ? Je pense que la guerre de 30 ans est très très peu enseignée dans tous les pays. Quand j'ai fait ce dossier pour la revue L'Histoire, ils voulaient délibérément sortir des sujets classiques et faire un test, mais en même temps, ils étaient un peu partagés. Est-ce que ça va se vendre en Allemagne, malheureusement, l'histoire avant le XXe siècle est peu enseignée. La période nazie et le traumatisme de cette période nazie on aboutit au fait qu'elle est surenseignée pour essayer donc d'extorquer le démon mille fois. On insiste énormément donc sur cette période et sur les fondements de la démocratie, etc. Et ce qui est antérieur à 1800 est très très peu enseigné. Voilà, donc malheureusement, il y aurait beaucoup de choses à faire, et si je peux me permettre de terminer, aussi pour les historiens, une histoire véritablement européenne de la guerre de 30 ans, qui ne partent pas forcément des grandes puissances, mais parfois de conflits locaux, comme par exemple la Walterine serait très très stimulante. Claire Gantet, si l'on veut vous lire, redonnez-nous donc le titre de l'article paru, mais peut-être plus précisément d'un ouvrage que vous auriez consacré à ces dramatiques épisodes. J'ai écrit avec ma collègue Christine Lebeau de l'Université Paris 1 un manuel sur le Saint-Empire entre 1500 et 1800 qui a paru en 2018 et qui en français en fait le seul manuel sur le Saint-Empire et où il y a une présentation très simple et très claire d'une part des institutions, des particularités du Saint-Empire, d'autre part de la guerre et puis de ce qui suit aussi la guerre. Donc c'est peut-être l'introduction la plus facile pour arriver à comprendre la guerre, à voir ses enjeux et puis ses effets. Merci beaucoup Claire Gantet d'être venue au micro d'Histoire Vivante. Merci beaucoup. Demain, suite de cette thématique des guerres européennes avec le nouveau documentaire d'Histoire Vivante, Vivre dans l'Allemagne en guerre, un documentaire signé Jérôme Prieur, qui sera demain en notre compagnie. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.